marcher dans la vie avec cet ange à mon côté. Mon existence entière n'aurait jamais été qu'une ardente prière. Et maintenant, parfois, j'ai peur de blasphémer. C'est moi, moi, qu'elle le pouvait aimer. J'aurais sur ma poitrine blessé la plus divine, la plus belle créature que Dieu m'aime et si formée. C'est moi qu'elle pouvait aimer. Lorsque s'ouvrait le ciel qui s'illumine, soudain je l'ai vu se fermer, je l'ai vu se fermer. C'est moi qu'elle pouvait aimer. Oh, j'aurais sur ma poitrine pressé la plus divine, la plus belle créature que Dieu m'aime et si formée. C'est moi qu'elle pouvait aimer. C'est moi qu'elle pouvait aimer. Mon corps en frissonne et tout mon être en loyal et fort.